C'est lorsque Dieu s'humilie lui-même à ce point ultime, c'est-à-dire qu'il devient chair pour demeurer avec l'homme, que les hommes peuvent être ses confidents et qu'ils peuvent être ses amis intimes. Comment l'homme peut-il être le confident de Dieu quand Dieu est esprit, exalté, incompréhensible? C'est quand Dieu descend dans la même chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté peut être gagnée par lui. Dieu parle et offre tant la chair, partage les joies, tristesses et tribulations humaines, vivant dans leur monde, les protégeant, les quittant, les purifiant pour qu'ils gagnent sa bénédiction, son salut. Comment exalté, incompréhensible, c'est quand Dieu descend dans la même chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté peut être gagnée par lui. Ainsi l'homme peut comprendre la volonté de Dieu, devenir son confident. Seul ceci est pratique. Si Dieu était invisible, intangible à l'homme, comment pourrait-il être son confident? N'est-ce pas une doctrine futile? Comment l'homme peut-il être le confident de Dieu quand Dieu est esprit, exalté, incompréhensible? C'est quand Dieu descend dans chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté peut être gagnée par lui. C'est seulement quand Dieu devient chair que l'homme peut être son confident.